l'instant cam sur Fadjet, anecdote sur Nancy et ses alentours. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une anecdote sur la place Stanislas. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette fameuse étoile visible sur un des pavés de la fabuleuse place Stanislas de Nancy. Mais l'avez-vous vue? Et savez-vous pourquoi est-elle là? La place Stanislas a été rénovée, pavée et piétonnisée pour le 250e anniversaire de l'inauguration de la place. Nancy 2005, le temps des Lumières, sur l'année plein d'événements. Inaugurée le 19 mai en présence de Jacques Chirac, le 15 avril y avait été enfouie une capsule temporelle, une boîte destinée aux générations futures, signalée par une étoile gravée. Et que contient-elle? Un coffret de plomb qui préserve une météorite lunaire offerte par le labo du CRPG et CNRS de Nancy, des portraits de 1360 Nancéens, un livre d'or de la ville fait par 800 Nancéens et ouvriers qui ont œuvré à la rénovation de la place, et une édition spéciale de l'Est républicain. Sur cet ouvrage est inscrit en lettres d'or avec un grand soleil, un petit peu de lumière sous la terre. Un gros volume contenant les pensées et maximes ainsi que des dessins des Nancéens collectés depuis 2004. Pour trouver l'étoile, rien de plus simple. Il faut faire 7 pas en partant de la première marche du piédestal de Stanislas vers l'arc erré, puis 2 pas sur la gauche. Aucune date d'ouverture n'a été inscrite. En effet, il existe plusieurs types de capsules temporelles. Celles intentionnelles, comme ici, sans date d'ouverture. Celles qui sont involontaires, comme Pompéi, suite à une catastrophe naturelle. Et celles avec une date d'ouverture, à ouvrir dans 100, 1000 ou 10 000 ans. Le terme de capsule temporelle existe depuis 1939. Mais l'idée s'inspire des traces laissées volontairement ou involontairement par nos ancêtres et redécouvertes dans le futur. Un exemple avec une date d'ouverture est celle de Strasbourg, enfouie le 23 septembre 1995 avec l'indication « à n'ouvrir que le 23 septembre 3790 après Jésus-Christ » devant la cathédrale de Strasbourg est une idée de Raymond Vendelech et Lydia Jacob. N'hésitez pas lors de vos balades à découvrir l'étoile sur la place Stanislas. Retrouvez mes chroniques L'Instant Cam sur fadjet.net ainsi que sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube.